C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Vanessa Snowden, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons toute autre chose avec des enjeux bien moindres. Mais c'est aussi la vocation de cette émission que de naviguer dans les méandres du monde et dans sa diversité. Nous parlerons donc football. Nous évoquerons Séville 82, le jour où l'équipe de France a connu son drame à Séville pendant la Coupe du Monde en Espagne.